Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez point scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, même le temps vient que quiconque vous fera mourir, croira servir Dieu. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'ont point connu le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que je vous les ai dites, et je ne vous ai point dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, savoir, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura ouï, et il vous annoncera les choses à venir. Celui-là me glorifiera, car il prendra du mien, et il vous l'annoncera. Tout ce que mon Père a, est mien, c'est pourquoi j'ai dit, qu'il prendra du mien, et qu'il vous l'annoncera. Dans peu de temps vous ne me verrez point, et après un peu de temps, vous me verrez, car je m'en vais à mon Père. Et quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit, dans peu de temps, vous ne me verrez point, et un peu de temps après vous me verrez, car je m'en vais à mon Père? Il disait donc, que signifient ces mots, un peu de temps? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Et Jésus connaissant qu'il le voulait interroger, leur dit, vous demandez entre vous touchant ce que j'ai dit, dans peu de temps vous ne me verrez plus, et un peu de temps après vous me verrez. En vérité, je vous dis, que vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez, dis-je, attristé, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme enfante, elle sent des douleurs, parce que son terme est venu, mais après qu'elle a fait un petit enfant, il ne lui souvient plus de ses douleurs, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'elle a mis un homme au monde. Vous avez donc aussi maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai encore, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là vous ne m'interrogerez de rien. En vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses par des similitudes, mais l'heure vient que je ne vous parlerai plus par des paraboles, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. En ce jour-là vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père, et je suis venu au monde, et encore, je laisse le monde, et je m'en vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'uses plus de paraboles. Maintenant nous connaissons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge, à cause de cela nous croyons que tu es issu de Dieu. Jésus leur répondit, croyez-vous maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis point seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'angoisse au monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde.